Bonjour et bienvenue à présent à une entrevue exclusive en compagnie de Berthold après son arrêt de ses activités sur sa chaîne YouTube. Je me suis rendu chez lui. D'ailleurs, vous pouvez voir là, à côté de lui là, la bibliothèque qu'on voyait des fois là, dans les enregistrements qu'il produisait avec ses nombreux livres. Et sans plus tarder, Berthold, je voulais te mentionner que c'est un plaisir pour moi de te revoir. Et puis, sans doute, il y a des gens qui nous écoutent présentement qui sont curieux de savoir qu'est-ce que tu deviens depuis les mots où tu as cessé tes activités là, sur YouTube. Alors, je te lance la question depuis ce temps, parce qu'on est présentement rendu au mois de juillet de l'année 2019. Donc, qu'est-ce que tu es devenu? La même chose que j'étais. C'est juste que. Non, tout va très bien. Tout va bien. Je deviens rien d'autre. Deviens toi-même C'est ça. De plus en plus. en continuité avec toi-même. Oui, en accord et tout. Sinon, ce que je voulais savoir, c'est depuis ton arrêt de production de vidéos, parce qu'il y en a quand même au-dessus d'une centaine, est-ce que présentement ça te manque? Est-ce que tu t'ennuies de ça? Non, pas du tout. OK. Sinon, par rapport à tes activités en lien avec la conscience, là, parce que quand même, tu en as fait régulièrement des vidéos. Est-ce que, en prenant un recul par rapport à, parce que tu as été quand même en immersion, là, à faire des vidéos pendant environ 2 ans, est-ce que ça t'a amené à faire des réalisations particulières en prenant le recul avec le temps, là, Oui, mais des choses que je savais. comme par exemple? Comme par exemple, tout l'aspect social, psychologique de ces milieux-là. C'est-à-dire. Ben, ce qu'on voit dans la société en général, c'est-à-dire des prises de position, des opinions, des conflits, des débats, et surtout de la projection, de l'identification, de la subjectivité. C'est comme dans n'importe quel milieu. Dans le sens que pour toi, le milieu qui touche à la conscience, c'est pas un milieu qui est mieux que d'autres. Même, j'ai vu plus de conscience active parfois chez des gens qui ont une vie très très banale, des gens qu'on pourrait qualifier de très ordinaires, alors que chez des gens qui étaient beaucoup dans les milieux, qui parlaient beaucoup de conscience, souvent, j'avais l'impression même que des fois, les gens qui s'intéressaient à la conscience l'étaient moins que ceux qui s'y intéressaient pas. Mais c'est sûr que ça, c'est un autre aspect, parce que quelqu'un peut vivre sa conscience au quotidien sans s'y intéresser, dans le sens sans y réfléchir. C'est ça. Parce qu'il est là le problème, c'est la réflexion. Puis c'est ça qui est psychologique. Et puis au niveau de quand on parle, puis que c'est fluide, et puis que ça parle tout seul, il n'y a pas de positionnement au niveau d'une opinion ou à faire, c'est tout simplement la vibration. Mais les gens, c'est plus la forme. Donc les conflits, c'est au niveau de la forme. Les choses que j'ai réalisées, c'est des choses dont j'avais parlé, des choses que je savais. Mais savoir quelque chose en théorie puis le vivre en pratique, c'est différent. Exactement. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent parler de conscience, mais ça reste au niveau théorique, intellectuel, réflectif. Alors que, comme tu le dis, ben, c'est d'être capable de vivre ça dans la vie de tous les jours, là. C'est sûr que c'est un de mes objectifs aussi personnels, d'être capable d'incarner cette conscience-là à travers mon quotidien. Parce que dans les questionnements que j'ai eus, au niveau là, de choses que je voyais, que j'observais, puis je me disais comment ça se fait, puis je recevais des réponses, j'avais des réponses, mais c'est des choses qui ne faisaient pas mon affaire, et puis il a fallu réaliser, puis intégrer le fait que c'est réellement. Il y a des choses qui ne font pas mon affaire, pourtant c'est comme ça. Pas avoir d'attente non plus. Il y a un adage qui dit que dans la vie, il faut être capable d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, changer ce qu'on peut changer, là. Ben, l'acceptation, ça, on pourra en reparler, là, parce qu'à mes yeux, c'est un peu une façon psychologique des fois de se donner une défaite pour rester dans l'inertie. Mais ce qui était important pour moi, c'était que de dire aux gens que c'est leur intelligence à eux qui est importante, que c'est leur conscience à eux qui est importante. Et pourtant, ça, ce qui est, c'est très très simple, c'est quelque chose, et pourtant, ça engendrait des conflits. Et il y a des gens, je pense, qui avaient peut-être des opinions par rapport à ce que je disais. Et puis, sans réellement pouvoir le verbaliser, ils n'étaient pas d'accord, tout simplement, parce que c'est de l'opposition qui est peut-être même pas liée à ce que je disais. Puis, ça ne me tentait pas d'avoir à gérer ça. Ça ne me tentait pas non plus. Quand je me suis mis à approcher des 400 abonnés, je savais que j'allais finir ça bientôt, parce que je n'ai pas envie d'être important pour les autres. Je veux que les autres soient importants pour eux-mêmes, comme je me considère la personne la plus importante pour moi. Puis je ne voulais pas devenir important pour les autres. Ça, c'est quelque chose de bloquant. Puis je ne suis pas là pour... Je ne voulais pas bloquer les gens. Je voulais pas qu'ils... Puis je commençais à trouver qu'il y en a qui me donnaient trop d'importance, que ce soit dans le positif ou le négatif. C'était assez polarisé. Non, ben je comprends. Je peux comprendre très bien par rapport à ça. Parce que des gens qui ont tendance à s'accrocher à d'autres personnes, puis vouloir être des disciples, des adeptes. C'est ça. Donc, j'étais pris dans une perspective, comme dans tous les milieux, qu'il y a des alphas qui veulent dominer, avoir de l'ascendant, et il y a des bêtas qui veulent être dominés, se faire dire quoi faire et suivre quelqu'un. Alors qu'à mes yeux, quelqu'un d'évolué n'est pas dans une de ces catégories-là. Exactement, il est au-delà de la polarité que représentent ces catégories-là. Mais c'est sûr que, tu sais, ça peut être possible aussi de faire, que ce soit des vidéos, des enregistrements audio, mais en ramenant les gens eux-mêmes. Moi, c'est l'optique dans laquelle j'œuvre, puis je continue à faire des enregistrements. Souvent, je vais mentionner de ne pas croire ce que je dis, mais de vérifier par vous-même si c'est réel, pour amener la personne à utiliser par elle-même son discernement pour évaluer la teneur des propos. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir ça aussi qui peut être fait pour empêcher justement qu'il y ait la dynamique de l'alpha, puis du bêta, ou du gourou, puis du disciple, l'élève, puis le maître, puis ces choses-là qui s'installent. Ben, il y a aussi que quand mes abonnés me posaient une question qui était légitime, je ne peux pas m'empêcher de répondre. Et puis, au fond, j'avais l'air très dévoué, mais sans l'être. C'est carrément un réflexe. Si on me pose une question qui est légitime, je vais essayer de répondre. Puis je ne pourrais pas m'en empêcher. Mais comme j'avais de plus en plus des abonnés de qualité, de plus en plus de questions pertinentes, ça prenait de plus en plus de temps. Et puis, je ne voulais pas que ça soit une occupation principale. Et d'ailleurs, je l'avais dit, ça, que je ne voulais pas que ça devienne une occupation principale. Même j'ai eu l'arrogance d'oser dire à certains dont c'était l'occupation principale que, à mes yeux, c'était peut-être dangereux. Mais là, ça peut être vu comme de l'arrogance, mais personnellement, toutes les personnes chez qui ça a été une occupation principale ont vécu des grosses choses. Mais c'est parce que ça devient délicat. Moi, j'ai pas aucun problème que quelqu'un qui gagne sa vie décemment en faisant des conférences ou des ateliers. Par contre, la nuance que je fais, il ne faut pas que la personne fasse ça avec l'esprit du gourou, puis qu'elle se prenne au sérieux pour... C'est encore plus dangereux si elle est sincère, puis que c'est pas dans un esprit de gourou nécessairement, que c'est carrément par amour du public, de l'humanité. Mais si elle a de l'amour réel, elle ne cherchera pas à dominer les autres, que ce soit d'une manière affichée ou subtile. Pas pour le public, il est pour la personne qui se donne, et oui, il y a un danger pour le public dans le cas de ceux qui veulent avoir de l'ascendant, dominateur, mais pour quelqu'un justement qui n'est pas un gourou, qui se donne, qui est sincère, qui fait par amour du public pour par rapport à des choses que les gens, c'est légitime, qui des fois que bon, qu'il y a certains services qui ne se font pas, il y a certains qui n'ont pas fait le travail. Par exemple, là, tous les troubles existentiels que les gens peuvent avoir, et puis que la religion n'a jamais été capable, ni la philosophie, ni rien. Quelqu'un qui voit ça, il risque de tomber dans le piège contraire, c'est d'être dévoué, de se donner, d'en faire son occupation principale, et là, c'est lui la victime. Il va complètement se faire guider par son... Oui, surtout s'il se sacrifie pour les autres dans un rapport de service spirituel, puis il tombe dans le piège du sauveur. Mais ça n'a pas besoin d'être spirituel. Le seul fait que lorsqu'on me posait une question légitime, j'étais incapable de ne pas y répondre, je me sentais, il fallait que je le fasse, surtout parce que dès que je lisais une question, ça activait. Oui, là, une question, ça active, mais il y a une possibilité pour l'ego d'affirmer une volonté, d'être capable de censurer le mouvement de l'esprit en lui, la communication spontanée. On peut ouvrir le contact, mais on peut le fermer aussi. Oui, mais il reste que quand je le faisais, c'était parce que je laissais une question en suspens, puis je me disais, je vais répondre demain ou dans quelques jours. Moi, j'ai aucun problème à laisser une réponse en suspens. D'ailleurs, je ne réponds pas systématiquement aux gens qui m'écrivent, parce que je ne veux pas passer mes journées à répondre à des questions. Moi, je suis incapable. Mais tu peux te donner la capacité en montant en volonté. Non, moi, le mieux, c'est connaissant cet aspect-là de moi-même. Qui fait oui. Que sinon, je vais finir par faire juste ça. Puis, non, c'est comme. Comment je pourrais dire ça? J'en ai pas souvent parlé, mais à mes yeux, ça devient un problème. C'est-à-dire que le fait que j'aime les gens me rend vulnérable. Puis que je ne voulais pas me donner à ce point-là non plus. Puis pourtant, c'était légitime. Puis il y a quelque chose de naturel. C'est parce que ça prend un équilibre entre l'amour des gens puis l'amour de soi puis le respect de son individualité. Donc, si tu fais une synthèse entre les deux, à ce moment-là, tu ne laisseras pas les gens t'exploiter. Là. Il y a quelque chose, il y a un piège là-dedans que je vois et que je n'ai pas voulu. Parce que jusqu'à un certain point, moi, ben, pour moi, c'est la personne la plus importante, c'est moi. Exact. Est-ce que, pour que ça soit fluide, pour répondre correctement, ça prend un certain don de soi aux gens? Puis, chez moi, c'est quelque chose, des fois, qui va faire que je vais trop... c'est dans ma nature de répondre, d'essayer de... Puis, je voulais pas non plus là, que ça devienne... Ça m'aurait grugé tout mon temps. Mais je comprends là, l'idée que ça prend un équilibre. Tout, mais moi, je suis pas capable. Si je fais quelque chose, je vais le faire. Le plus que je peux, le mieux que je peux, je vais me donner dans ce que je fais. Puis c'était devenu, ça prenait presque un tiers de mon temps, au moins. Puis je commençais, en plus, il y a des gens pour qui je commençais à devenir quelqu'un de détestable, là, d'être obligé d'essayer de les modérer en disant, ben. C'est parce que vous interprétez ce que je dis d'une certaine façon, puis d'autres qui m'aimaient trop d'être obligé de relativiser les choses en disant ben, je suis quelqu'un de banal, je suis quelqu'un d'ordinaire, puis il n'y a rien d'extraordinaire à côté de. Il y a aussi, quand les gens, j'avais des bons abonnés qui posaient des questions pertinentes, des questions intelligentes, je ne pouvais pas m'empêcher de répondre parce que c'était légitime. Les gens. Qui prenaient la peine de m'écrire. Moi, pour moi, c'est important de prendre la peine de leur répondre. Mais malheureusement, je suis tout seul. J'étais tout seul pour gérer ça. Et puis, j'ai eu des journées, j'avais jusqu'à 75 commentaires ou questions auxquelles répondre. Quand c'était là, dans le plus. Puis, non, ma boîte courriel était tout le temps pleine. Puis, je voulais pas devenir. Je voulais pas être attaché à ça aussi publiquement. J'ai jamais voulu être une personnalité publique d'aucune façon. Puis ça m'intéressait pas là, à certains aspects. À un moment donné, j'ai regardé ça comme il faut. Puis je le savais que j'allais arrêter, mais je savais pas quand. Mais souvent, je sais que je vais faire quelque chose, mais je sais pas quand. Mais finalement, non, je peux juste obéir, si on peut dire, là, à la vibration. Je ne me suis pas réellement posé de questions. Tout comme quand je répondais d'une façon dévouée, je ne réfléchissais pas, je ne me posais pas de questions en me disant est-ce que je suis en train de trop me donner ou de. Non, parce que si je me mettais à réfléchir, je ne peux plus répondre. Non, non, je comprends. Tu suivais le mouvement de l'énergie en toi qui répondait à l'autre, comme un appel d'énergie. Quelqu'un émet un signal, tu réponds au signal. Mais dans le fond, étant donné que le temps file, je voudrais conclure. Cette petite discussion entre nous, en te posant la question, en terminant, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Pas vraiment. À mes yeux, le supramental, en tant que phénomène personnel, en tant que phénomène individuel, pour moi, c'est réellement quelque chose d'individuel. Et puis, il s'est greffé autour des choses. Je veux dire, il y a des gens qui ont vécu ce phénomène-là sans connaître les termes, sans savoir de quoi il était question. De toute façon, ils n'ont pas besoin de... Ils vont dire, ben, c'est mon intuition. Non, exactement. Le vocabulaire, c'est des formes, c'est pas nécessaire pour le vécu d'une vibration. Mais tous les aspects sociaux qui entourent ça, les conflits, les clics, à mes yeux, moi, je peux pas faire autrement que d'être seul quelque part. Puis, j'avais pas envie d'avoir des conflits avec des collectifs, parce que je connais la dynamique des collectifs. C'est ça que j'ai plus fait l'étude, si on peut dire. Puis, je voulais pas tomber dans une dynamique qui deviendrait psychologique, sociale. Puis, ça m'intéressait pas, parce que je trouve ça bloquant. Et puis, je sentais une baisse de vibration, puis, c'est un indicateur qu'il est temps que... De toute façon, ce que j'avais intégré en faisant ça, c'est en voie où ça a été d'intégrer. Puis c'était tout le temps presque de réaliser ce que je savais. J'ai pas juste... Je veux pas non plus nécessairement... J'ai pas... Moi, je veux juste vivre puis être bien. J'ai pas envie de devenir quelqu'un qui accomplit un travail ou qui est de ce genre-là, de ce type-là pour les autres, parce que je pense que le véritable travail, c'est celui de l'individu pour lui-même. Puis j'ai pas envie de... Si les gens posent une question, c'est qu'ils ont la réponse. Le seul fait que je l'ai dit ça, puis que pourtant, il y arrivait encore des... L'important, c'est ce que la personne a en rapport avec elle-même, ce qu'elle reçoit dans son psychisme, qu'elle vit dans son psychisme. Puis j'ai toujours trouvé ça, si vous avez une question, ça veut dire que vous avez la réponse quelque part. Puis le fait d'aller poser des questions à quelqu'un comme moi, puis finalement qu'il me vient des réponses qui sont possiblement pour moi, il y a quelque chose là, une dynamique qui peut engendrer une forme de subjectivité dangereuse. J'ai souvent remarqué des gens qui canalisaient pour d'autres et pourtant l'information était clairement pour eux. Non, exactement. Il peut avoir à ce moment-là l'interférence de l'autre par rapport à eux. Puis à ce moment-là, la réponse qui a été plus ajustée, il apportait déjà en eux. Puis en passant par quelqu'un d'extérieur, ben ça colorait la réponse qui portait déjà en eux par rapport à la subjectivité de l'autre. Puis ce qui est important au niveau, c'est que les gens développent le contact avec leur esprit, pas avec l'esprit d'un autre. Exactement. Puis qu'ils deviennent autonomes. Si des esprits se mettent à s'imposer sur les autres, ils vont les couper, eux, de leur esprit à eux. Et parce que ça devient... C'est ce genre de dynamique-là. C'est comme ça que ça... Non, mais c'est sûr que c'est la dynamique qui crée le maître, puis le disciple, ou le guide spirituel, puis l'élève, puis ces choses-là. Fait que c'est bien correct par rapport à ça... de ramener les gens eux-mêmes. C'est d'ailleurs dans cette optique-là que je produis des enregistrements moi-même sur YouTube. Donc, je te remercie à présent d'avoir accepté mon invitation d'avoir fait cet entretien. Donc, écoute, je te souhaite une belle fin de journée. Bon, ben, toi aussi. Bye-bye. Au revoir.